doesn't care about a lot, beat me shut. Et je t'aime, la sacrée cocotte. J'habite à ce pied, ma lave, beat me shot. Et tu vois en mon chien une crotte. Oui, une crotte, mais seulement polyglotte. Une crotte polyglotte. J'habite à ce quai par la pipichotte. Et toi, ma sacrée cocotte. Oui, toi tu es. Oui, de plus en plus haute, à 5 et marre la michotte. Et je pense à Aristote, à 5 et marre la michotte. Et je pense à une grotte, à 5 et marre la michotte. À 5 et marre la michotte. À 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte. 5 et marre la michotte.